t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon torse, de moi dessus, toi dessous. Baby, je vais et je viens, baby, de plus en plus loin. Et soudain, quand tu viens, tu me demandes d'aller doucement. Oh, doucement, toi, je vais doucement. Baby, ne contrôle plus cette trompe. Ton plaisir, mon bébé, je le sens.